Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Hello les amis auditeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais commencer l'émission avec un peu de Mozart. Mozart très connu d'ailleurs, l'ouverture des Noces de Figaro, un opéra en quatre actes de 1786 et on sait que l'empereur Joseph II avait interdit à Vienne la pièce de Beaumarchais, du même nom. Hein, si vous avez vu le film Amadeus, vous vous souvenez peut-être de cette scène où Mozart affronte en quelque sorte l'empereur en lui disant qu'il va quand même mettre en musique la pièce de Beaumarchais. Et donc c'est l'un des opéras bouffa les plus neufs de son temps, qui va servir d'ailleurs de modèle à de nombreux musiciens. Brillante et enlevée, l'ouverture de l'œuvre donne tout de suite le ton de cette folle journée menée tambour battant. Et on va écouter tout de suite cette ouverture de Noces de Figaro. Le Columbia Symphony Orchestra est dirigé par Bruno Walter. Thank you. un enregistrement un peu opaque, hein, c'est vrai, parce qu'il a été réalisé à la fin des années 50, Bruno Walter à la tête du Columbia Symphony Orchestra. Bruno Walter, qui à l'époque était déjà très âgé, il avait été le disciple préféré de Gustav Mahler, quand même. Hein. Allez, on continue avec du Borodine, Alexandre Borodine, 1833-1887. On aurait tort de le prendre pour un second couteau de la musique russe, parce que c'est un compositeur majeur. Alexandre Borodine, il a fait bien sûr partie de ce groupe des cinq, avec Rimsky-Korsakov, Moussorgski, Cui et Balakirev, qui voulait régénérer en quelque sorte la musique russe en créant une école nationale. Il n'était pas musicien professionnel, hein. Il était compositeur à ses heures perdues, enfin, il a quand même composé pas mal d'œuvres, hein, mais bon, il aurait certainement plus composé s'il n'avait pas été accaparé par son métier de chimiste. Et d'ailleurs, il était très très apprécié et reconnu dans le monde de la chimie. Hein. On va écouter un peu de sa musique, non pas les danses polovstiennes, qui sont vraiment les œuvres les plus célèbres de Borodine, l'œuvre la plus célèbre de Borodine, inclus dans son opéra Le Prince Igor, mais on va écouter l'un de ses quatuors à cordes, le Notturno, Nocturne, tiré du deuxième quatuor à cordes, c'est en troisième position dans le quatuor, et c'est joué par le quatuor Stamitz. Thank you. Voilà, c'était le Nocturne du deuxième quatuor à cordes de Borodine, Alexandre Borodine, joué magnifiquement par le quatuor Stamitz. Je vous rappelle que vous écoutez Discothèque Classique, et bien c'est votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 11h à midi sur Radio Fadjet. Et on va continuer avec un disque que j'ai reçu il y a quelques jours, un disque consacré à Handel, mais alors, ah, c'est pas vraiment du Handel, hein, c'est du Handel Reimaginé, c'est le titre, bon c'est en anglais sur la pochette, et c'est un disque de la pianiste Clara Ponti qui nous propose donc des improvisations sur des thèmes de Handel. Au départ, je pensais que c'était presque jazzy, ces improvisations, mais pas tant que cela. C'est surtout, quelque part, néo-romantique. Je vous propose l'improvisation sur la fameuse sarabande de Handel, celle qu'on entend, évidemment, dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Clara Ponti au piano. Thank you. oui, c'est étonnant. Hein. Ce sont des improvisations sur des thèmes de Handel, signé Clara Ponti, qui était au piano. Et là, vous aurez reconnu certainement la grande sarabande. Moi, je trouve qu'il y a des intonations un peu à la Philip Glass. Je trouve que c'est bien fait. Voilà. Bon, on écoutera un autre extrait de cet album dans l'émission de demain. Et sur Radio Fadjet, discothèque classique, continue avec du Verdi maintenant, la Traviata, évidemment, l'opéra le plus populaire de Verdi. Opéra en trois actes de 1853, créé à la Fenice de Venise. Ça fait partie de la grande trilogie, hein, avec Rigoletto et le Trouvère. Alors évidemment, l'histoire est bien connue. C'est l'histoire de Violetta, qui est amoureuse d'Alfredo, un amour contrarié par le père d'Alfredo. Pourquoi ? Eh bien, parce que Violetta est une simple courtisane. Et on sait ce que veut dire ce mot au XIXe siècle, ce mot de courtisane, donc une quasi-prostituée. Et bon, ben voilà, ça se termine mal. Hein. Le troisième acte, c'est celui de la mort, rongé par la phtisie et oublié de tous. Violetta implore le pardon d'Alfredo, rêvant d'une vie nouvelle, lointaine, qui n'existera jamais, évidemment. Elle va expirer dans les bras de son amant. On va écouter l'un des airs célèbres de la Traviata. Il y en a tant, hein, donc on a le choix. Là, j'ai choisi Sempre Libera, toujours libre, la voix de Nathalie Dessay. Elle est entourée du concerto Köln. quelle voix, hein. Moi j'en ai des frissons, c'était Nathalie Dessay, la grande Nathalie Dessay dans Sempre Libera, tirée de la Traviata de Giuseppe Verdi. On a entendu également la voix de Roberto Alagna et le concerto Köln accompagnait tout le monde. Un peu de la musique du grand siècle, c'est-à-dire de la musique de l'époque de Louis XIV. C'est une musique intéressante d'ailleurs à cette époque-là, il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Outre Lully, il y a Marc-Antoine Charpentier, et il y a également Michel Richard Delalande, 1657-1726, et c'est en 1689 que Delalande est nommé surintendant de la musique de la Chambre du Roi. Et l'année suivante, eh bien, il entreprend une série de compositions destinées à agrémenter les soupers de Louis XIV. Alors le souper du roi, c'était quelque chose de très précis, hein, une étiquette vraiment incroyable, ça se déroulait à 22h. Le roi mangeait en public, soupait, comme on disait à l'époque, en public. Il se tenait assis à la table au milieu de la pièce, le dos tourné à la cheminée, et derrière lui, il y avait son médecin, quelques privilégiés, et puis plus loin, dans l'embrasure de la porte, se pressait la foule des courtisans et curieux. Bah oui, il mangeait vraiment en public. Et puis, il y avait aussi un orchestre qui était là pour faire de la musique pendant que le roi mangeait, soupait. Alors, il y avait de la musique pour les potages, il y avait de la musique pour les entrées, pour la viande, pour les entremets. Il fallait que ça soit différent à chaque fois, hein. Et Michel Richard Delalande a donc composé ses musiques pour la table de Louis XIV. Télémane, un peu plus tard, écrira lui aussi de la musique de table. On va écouter un peu de la musique de Delalande, symphonie pour les soupers du roi, la grande pièce en sol mineur. C'est une pièce qui, eh bien, paraît-il, était particulièrement appréciée du roi Soleil. On l'écoute interpréter, tout au moins un extrait, par la symphonie du Marais que dirige Hugo Rennes. Thank you. extrait des symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard de Lalande avec la symphonie du Marais dirigée par Hugo Rennes. Ben voilà, comme ça vous saurez que quand vous prenez vos repas avec de la musique, vous vous faites un plaisir royal. On continue avec Poulenc. Alors là, on revient au XXe siècle. Hein. Francis Poulenc, 1899-1963. Son biographe, Claude Rostand, a fort justement dit que chez Poulenc, il y a à la fois du moine et du voyou. En effet, parce que le musicien aimait bien les soirées à Montparnasse, les soirées très arrosées et un peu débridées sur certains aspects. Et puis en même temps, il y avait une grande ferveur religieuse, quasi mystique, hein, parfois chez lui. Alors c'est un compositeur qui a vécu à Paris essentiellement. Il s'est fait connaître très tôt avec sa Rhapsodie nègre, écrite en 1917. Et puis en 1930, il écrit un chef-d'œuvre qui est son concerto pour deux pianos. Mais à la fin de la guerre, plutôt à la fin des années 40, il va revenir au genre concertant avec un concerto pour piano qui lui avait été commandé par Serge Koussevitzky, et chef d'orchestre. Et donc, ce concerto pour piano est l'une des grandes pages de Poulenc. On va en écouter le début avec au piano Éric Lesage, l'Orchestre Philharmonique de Liège, et dirigé par Stéphane Denève. Thank you. Le début du concerto pour piano de Francis Poulenc avec au piano Éric Le Sage. L'orchestre philharmonique de Liège était dirigé par Stéphane Denève. Beaucoup de fraîcheur hein, dans cette musique de Poulenc. Hein. Il faut absolument la découvrir si vous ne la connaissez pas parce que ce sont vraiment des heures admirables à passer avec lui. On va continuer avec du Mozart. Bon, on a écouté tout à l'heure Mozart par Bruno Walter. On va retrouver ce chef d'orchestre dans les années 50. Dans une autre œuvre de Mozart, la musique funèbre maçonnique. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Bah, c'est vrai que Mozart était franc-maçon, comme Haydn d'ailleurs. La franc-maçonnerie, eh bien, c'était une sorte de club où on discutait de l'avancée de la pensée rationnelle, en quelque sorte, des Lumières. On ne sait pas trop ce que Mozart a pensé de la Révolution française, par exemple. Il n'y a pas de lettres ou de textes où il évoque ces événements. Il n'y en a pas. Donc, bon, on peut penser que peut-être, eh bien, il était enthousiaste, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'intéressait à la philosophie, il s'intéressait évidemment à ce que l'esprit de la liberté, eh bien, évidemment, se développe en Europe. C'est peut-être pour ça qu'il a adhéré à la franc-maçonnerie, peut-être aussi pour se faire simplement des relations, hein, c'est pas inenvisageable. En tout cas, la franc-maçonnerie autrichienne était beaucoup moins anticléricale que la franc-maçonnerie française. On va écouter un peu donc de Mozart cette musique funèbre maçonnique qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste que ce que l'on va d'entendre et c'est donc interprété par l'Orchestre Symphonique Columbia que dirige Bruno Walter. Thank you. Ah, une œuvre d'une certaine noirceur, hein, la musique funèbre maçonnique. Il faut dire que y avait parfois des décès parmi les francs-maçons et cette musique servait évidemment à les honorer, ces personnalités qui disparaissaient. C'était le Columbia Symphony Orchestra dirigé par Bruno Walter. Et on continue avec Beethoven, discothèque classique, toujours sur Radio Fadjet le samedi, le dimanche de 11h à midi. Et maintenant, Beethoven et sa sonate numéro 1, sonate de jeunesse évidemment, composée vers 1794-95, mais Beethoven composait déjà bien avant. Et c'est une œuvre qui est déjà, où Beethoven est déjà lui-même en quelque sorte. On sait qu'il a rencontré Mozart, hein, Beethoven, hein, c'est quasiment certain. Ce qui n'est pas étonnant parce que Beethoven avait une vraie admiration pour Mozart, il connaissait bien son œuvre. Plus tard, Schubert aura beaucoup plus de réserve à aborder Beethoven, qu'il admirait tout autant que Beethoven pouvait admirer Mozart. Mais il n'osait pas trop s'adresser à lui. Il est vrai qu'il le croisait dans Vienne, hein. Beethoven et Schubert se sont croisés. Mais Schubert était un être délicat, extrêmement timide. En tout cas, on sait que Beethoven a eu dans ses mains, les partitions, quelques partitions de Schubert, et qu'il s'est enthousiasmé, évidemment, pour ce jeune compositeur. Voici Beethoven, tout jeune, avec sa sonate numéro 1, le final joué par Friedrich Gulda. Thank you. Toujours prodigieux, Friedrich Gulda, qui était également un grand jazzman. Hein. Ça s'entend un peu d'ailleurs dans ses interprétations de Beethoven et même parfois de Mozart. C'était la sonate numéro 1, opus 2, numéro 1 de Beethoven, jouée donc par ce grand pianiste Friedrich Gulda. Tout à l'heure, je vous ai proposé un extrait de la Traviata de Verdi, un air très célèbre, Sempre Libera. Eh bien, voici un extrait maintenant de Rigoletto, qui n'est pas moins célèbre, La Donna Immobile, chanté par Luciano Pavarotti. Ça, c'est extrait du premier disque de Luciano Pavarotti. C'était un 45 tours avec 4 titres, comme c'était le cas à l'époque. Non, il y en avait 5 en fait. Hein. Paru en 1964. C'est émouvant, je trouve. Hein. Et c'était l'orchestre du Royal Opera House de Covent Garden de Londres qui était dirigé par Edward Downes. Allez, on termine avec un peu de trompette. Le concerto pour cor anglais de Donizetti, mais joué à la trompette, par Gabor Bolzowski, et puis il est entouré de l'ensemble I Muggici di Roma. Thank you. quel éclat, hein, magnifique, hein, la trompette de Gabor Bolszewski dans ce concerto de Donizetti, en fait un concerto pour cor anglais, mais transcrit pour la trompette, et il était entouré de l'ensemble Il Muggisi di Roma. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et comme vous le savez maintenant, eh bien on se retrouve demain à partir de 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. D'ici là, je vous souhaite un excellent samedi, et à demain.